J'aimerais écrire une belle chanson, mais je ne connais pas assez de belles choses. Toi, tu as l'odeur des roses. Toi, tu es la seule belle chose. Besoin de toi pour écrire une belle chanson. Mais je ne peux pas écrire ma belle chanson, car tu m'as quitté ce matin. Alors je chante ma fin.